forme d'institut de recherche privé qu'on appelle plutôt un think tank. C'est quoi un think tank? On en discutait à l'instant avec Martha. C'est un endroit qui n'est pas un lobby, parce qu'on n'a pas de légitimité, on n'a pas de constituencies, au contraire d'une ONG par exemple. Mais c'est un endroit qui est un producteur de normes, qui essaye de proposer, de promouvoir et de porter, évidemment, dans la vie réelle, dans les enceintes de négociation, etc., qui essaye de porter cette norme nouvelle, norme prise au sens très large, c'est-à-dire des solutions possibles qu'on peut mettre au service des acteurs qui sont dans une négociation d'un problème à différentes échelles. Alors, une des dimensions sur lesquelles on travaille beaucoup, et c'est une des vocations évidemment de création de l'IDRI au départ, c'est la question du changement climatique, et en particulier de cette dimension internationale, mais pas seulement. Et je voulais juste dire deux mots de ce que m'inspire à la fois cette journée, peut-être pas juste la session, mais la session aussi, par rapport à notre expérience, qui est que nous, on a beaucoup d'attentes, et d'ailleurs on travaille beaucoup avec du juriste côté IDRI, essentiellement pour trois raisons. La première, c'est que ces questions de changement climatique, on voit qu'elles ouvrent des questions, des espaces nouveaux, qui n'avaient pas besoin d'être traités jusque maintenant. On va en avoir notamment toute une série d'exemples avec la première intervention. Je ne vais pas forcément en faire la liste. Mais bon, voilà, il y a l'Arctique, il y a des réfugiés climatiques. Donc il y a des questions qui ne se posaient pas avant, et finalement le droit va devoir trouver des réponses à ça. La deuxième raison, c'est que pour répondre à cette question qui est complexe, où on a sur certains éléments encore parfois des controverses scientifiques, pas sur l'exemple du changement climatique, mais sur ses impacts locaux, qu'est-ce que ça sera demain, etc., sur les formes de solutions, on crée des cadres de gouvernance, vous avez vu l'accord de Paris, qui sont des cadres un peu expérimentaux, nouveaux, qui associent de façon différente les États, qui associent les États à des entités privées. Ça rebondit sur des questions de gouvernance. Aujourd'hui, on discute beaucoup du cadre européen qui est complètement bouleversé par cette façon pour des États de devoir prendre en compte du long terme, de pouvoir s'articuler les uns avec les autres, s'articuler à différents niveaux. Et donc, on a aussi là des questions juridiques nouvelles sur comment on constitue ces cadres, quels sont les cadres de responsabilité à l'intérieur de ces nouvelles visions et comment le droit peut nous aider là-dessus. Et puis, je crois que la troisième grande dimension, c'est le fait qu'on est dans l'expérimentation. C'est-à-dire que toutes les solutions qu'on va essayer de mettre en place sont des solutions d'innovation. Innovation, ce n'est pas seulement technologique. Innovation, c'est toutes les organisations sociales, les business models, etc. On est totalement dans l'innovation pour répondre à la fois sur les questions d'éducation, d'adaptation. Ça va très très vite. On a des gens qui inventent des solutions partout. On a des nouveaux acteurs qui apparaissent, si on pense aux transitions énergétiques, si on pense aux transitions dans le domaine des transports, si on pense aux questions de finances, etc. On a des acteurs qui n'existaient pas avant. Et évidemment, tout ça, ça demande un droit nouveau et avec, à mon avis, une difficulté particulière qui est que c'est pour l'instant pas déterministe. On fait de l'innovation, il y a des voies qui vont s'ouvrir, il y a des voies qui ne vont pas perdurer. En même temps, il faut d'une certaine façon y répondre, les normer, peut-être être un peu en avance sur ce droit qu'il faut créer. Et donc ça me semble un enjeu particulièrement important. Alors cet après-midi, on va avoir, pour explorer certaines de ces questions, trois interventions. Alors rapidement, je redonnerai les intervenants après, mais les trois sujets, le premier, c'est justement d'explorer quelques-unes de ces nouvelles questions qui apparaissent du fait des changements climatiques et que le droit va devoir réguler, et ça sera l'intervention de Philippe Billet immédiatement, qui reste pas beaucoup de temps. Ensuite, une nouvelle question évidemment qui est celle des réfugiés climatiques. Alors des réfugiés, on en a déjà, c'est un sujet assez connu. En quoi cette figure de réfugié climatique pose des questions nouvelles aujourd'hui au droit international et au droit aussi à l'intérieur des pays? Je ne sais pas dans quelle mesure ça sera traité. Ça sera le cas de la deuxième intervention. Et la troisième intervention sera, et pour nous c'est une question extrêmement importante aujourd'hui dans la gouvernance de ces questions-là post-Paris, c'est la question de comment on va construire ou co-construire de la norme d'une façon générale entre différents États, entre différents espaces de développement de la norme pour encadrer l'activité privée, publique, etc. Et donc, ça sera une partie de la troisième intervention. Donc, sans tarder, je passe la parole à Philippe Billet pour son intervention sur les vagabondages qui va bien aller pour un après-déjeuner. Bien, merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de commencer à l'heure à laquelle je devrais terminer, donc je propose qu'on passe aux questions tout de suite. Alors, plus sérieusement... 2 minutes. Merci. Plus sérieusement, on va envisager l'hypothèse que j'ai appelée les vagabondages, c'est ces problèmes de circulation. Et je vais essayer de voir comment, essayer d'analyser à travers deux exemples. J'en avais trois initialement, mais faute de temps, je vais réduire le champ de mes investigations. de voir comment est-ce que le climat influence la circulation d'un certain nombre d'éléments et comment est-ce que le droit se greffe ou comment est-ce que le droit est incapable en l'instant d'apporter quelques réponses, puisque le climat et plus encore désormais les changements climatiques influencent les mouvements naturels, la faune, la flore, le cours gravitaire de l'eau et les mouvements humains, mais je laisserai à Guébré le soin de traiter cette question. Et c'est vrai que la question de l'adaptation du droit aux nouvelles voies qui sont ouvertes, notamment lorsque vous avez des nomades qui suivent des troupeaux qui, eux, suivent le cours naturel du climat, ou lorsque vous avez des voies qui s'ouvrent au plein sens matériel du terme parce que la fonte des glaces va libérer les eaux du pôle et donc favoriser certains passages, mais est-ce qu'il importe de voir comment est-ce que on va modifier toute la structure, toute la gouvernance du droit qui s'applique dans ce cadre-là. De la même façon, et c'est ce dont je ne vais pas parler, mais je l'évoque juste 5 minutes, vous avez aussi les voies d'eau, en ce sens que vous avez des populations qui vont chercher l'eau dans les glaciers par l'intermédiaire de canaux d'irrigation, et lorsque les glaciers remontent, ils sont obligés de faire remonter les canaux, et ça déstructure totalement les structures sociales, parce qu'ils sont obligés d'agréger beaucoup plus de personnes dans le cadre. J'aurais évoqué dans ce cas-là notamment le système des bis dans le Valais suisse avec ce qu'on appelle les consortages sous serment, et qui modifie très considérablement ceci, notamment lorsqu'on a eu le petit âge glaciaire. Vous avez plusieurs glaciers qui ont avancé très fortement, qui ont détruit énormément d'ouvrages et qui ont déstructuré les communautés puisque leur seule existence légale, c'était le canal qui n'existait plus. Mais je ne vais plus parler de cet élément pour m'intéresser beaucoup plus aux droits des hommes qui suivent le comportement de leurs bêtes parce que leurs bêtes suivent le climat pour rechercher leur nourriture. Et cela interroge pourquoi ? Parce que dans la mesure où leur droit, on va le voir, est déterminé par le passage de leur bétail, se pose la question de savoir quelle est la nature et l'objet de ce droit, question qu'on ne se posait pas jusqu'à présent. Est-ce que c'est le principe du passage et de la pâture qui est reconnu, quelle que soit la voie empruntée, quel que soit le lieu du pâturage, ou est-ce au contraire le lieu du passage et de la pâture, et ce qui veut donc dire que toute variation, même contrainte, réduirait leur droit à néant, voire les annihilerait. Et la solution qu'on doit envisager ici est essentielle au sens premier du terme. On innove lorsqu'il s'agit de réglementer nouvellement ces questions. Et de la même façon, lorsque vous avez un dégagement des glaces du pôle et vous allez avoir des nouveaux passages, comme on a de nouveaux passages pour le bétail, eh bien, il faut s'interroger sur le point de savoir que peut faire le droit, notamment pour tous les risques environnementaux qui peuvent être ouverts de ce cadre-là. Et j'étudierai, si vous voulez bien brièvement, le nouveau code polaire qui est entré en vigueur le 1er janvier 2017. Alors, je vais simplement vous proposer quelques réflexions et analyses sur ces thèmes du changement. D'abord, en envisageant la déstructuration des droits qui sont fondés sur la circulation, et ensuite la structuration du droit lié à la circulation. Alors, tout d'abord, la question de la déstructuration. Question de la déstructuration, dont je vais me fonder ici sur des circulations qu'on dira naturelles, qui sont liées à l'instinct animal, les mouvements alternatifs des mammifères, en l'occurrence les rennes des SAM, qui vont les suivre sur leur territoire qu'ils traversent. Alors, le parcours du renne, brièvement, pour montrer comment les droits peuvent être conditionnés par l'animal, par le climat, et donc être remis en cause nécessairement par le changement climatique. Donc on a un territoire traditionnel qui est sur 4 États, Norvège, Suède, Finlande et Russie. La notion du temps y est totalement dépassée. On ne suit plus les cycles du soleil, mais on suit les cycles de l'animal en fonction des migrations, en fonction des saisons et en fonction de l'état des pâturages. Et cet élevage implique des migrations sur des centaines de kilomètres entre ce qu'on appelle les pâturages d'hiver. On verra que c'est très important dans la dernière décision de la Cour suprême de Suède sur cette question, entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été. Et la variabilité climatique va impliquer des changements structurels qui vont altérer la pérennité de l'élevage tel qu'il se pratique actuellement. On a des transhumances et des errances, pour le coup, lorsque c'est en montagne ou en plaine, et qui sont rendues beaucoup plus difficiles, on va le voir, par les changements climatiques qui vont faire alterner période de froid, période de redoux. Et on a finalement une espèce de cercle vicieux qui s'installe un peu insidieusement. Plus le climat se réchauffe, plus les activités humaines augmentent. Le dégel laisse découvrir de nouvelles ressources, minières, pétrolières, gazières, de bois. Les forêts de résineux, dont la pousse intensive réclame des traitements incompatibles avec les rennes qui s'alimentent de ce qu'on appelle le lichen corticole, donc qui pousse sur les écorces. De la même façon, lorsqu'on a des périodes de refroidissement, bien le lichen terricole, donc ce qui pousse sur le sol, n'est plus accessible aux rennes, et il faut changer totalement le mode d'élevage. Et donc on a une fragmentation du paysage, dans ce cadre-là, du paysage, et donc il y a des conséquences écologiques particulières. Et naturellement, il va y avoir, mu par leur instinct, un changement des parcours à la recherche de nourriture. Alors le droit dans tout cela, après quelques brefs éléments sur ces animaux, il y a une adaptation naturelle qui va contrarier assez fortement les droits des SAM qu'ils ont conquis, on va le voir, de haute lutte depuis le XVIe siècle, à partir du moment où des populations sédentaires sont venues s'installer, agriculteurs, forestiers, et qui donc de ce fait vont s'accaparer les terres, ce que ne connaissent pas en termes de propriété des populations nomades, et donc il va y avoir une opposition des deux. On commence déjà à avoir quelques éléments de réponse, et je vais d'abord dans un premier temps fixer les droits tels qu'ils existent, voir comment les droits peuvent être remis en cause. On a le traité de Strömstad en 1751, c'est un des codicilles d'un traité entre la Suède et la Finlande, le Danemark et la Norvège, et qui reconnaît expressément les droits et les devoirs, alors ce qu'on n'appelait pas encore les Sam et les Lapons, mais les devoirs des Lapons. Et il constitue un peu, si vous voulez, la Magna Carta des Sam. Alors le codicille les autorise à franchir la frontière avec leur reine au printemps, en automne, à utiliser terre pour eux-mêmes, pour leur reine, et pratiquer librement la chasse, la pêche, sans aucune considération de limite politique de propriété des terres traversées. Mais malheureusement, il y a loin, comme vous le savez, des traités à leur application, et avec l'évolution de tous les traités frontaliers, et sous le prétexte de protection des Sam, le législateur suédois adopte des réglementations, beaucoup plus spoliatrices. Loi par exemple de 1886 sur l'élevage qui protège les zones de pâturage contre les conversions des terres à d'autres usages. Donc on se dirait, tant mieux. Oui, mais il les réserve exclusivement aux Sam qui pratiquent l'élevage. Ce qui veut dire que les sédentaires n'ont plus du tout accès à ces terres-là, là où ils pouvaient le faire jusqu'à présent, dans leur tradition. Et donc les non-nomades perdent des droits de ce fait-là. Et puis, pour limiter les conflits, l'accès aux pâturages hivernaux a été réglementé depuis 1868 et n'autorise plus que la présence des rennes pendant une certaine période, 1er octobre, 30 avril. Convention de 1919 entre la Norvège et la Suède sur les aires de pâturage des rennes qui interdit aux Sam suédois de venir s'installer en Norvège, là où antérieurement il n'y avait pas pour eux de frontière. Et donc, il y a interdiction réciproque de passage et donc fermeture de la frontière. L'animal ne traverse plus parce que les bergers, appelons-les ainsi, leur interdisent le passage pour ne pas risquer d'être arrêtés. Quelle est la situation territoriale aujourd'hui ? Quel est le statut ? On va le voir, qui va être assez fortement remis en cause par les changements climatiques, selon qu'il faut admettre un droit qui serait sur un espace donné, donc une propriété, un usufruit, ou un droit sur une activité donnée, quel que soit l'espace considéré. Si ce droit est territorial, la disparition du territoire fait disparaître le droit, donc on a une approche rationnelle au qui de la question. Et si c'est matériel, la disparition du territoire à un endroit donné ne prive pas de la possibilité d'exercer ce droit sur un autre territoire. On n'est plus dans une approche rationnelle matérielle. Alors en l'occurrence, qu'en est-il ? Vous allez voir que la position des deux cours suprêmes de Norvège et de Suède ont des incidences extrêmement fortes sur ce point-là. On a une première décision assez caractéristique, le 29 janvier 1980, le Tax Lapmauten Case. La Cour suprême de Suède reconnaît, je reprends que les considérants principaux, l'utilisation traditionnelle de leurs terres par les Sam, à savoir la pêche, la chasse, l'élevage du renne, et, elle précise, conditionnel qui pourrait faire naître un titre juridique. On ne dit pas lequel, mais il serait susceptible de faire naître un titre juridique. Et la couronne suédoise, pour sa part, lorsqu'elle défendait son affaire, disait que les terres fréquentées par les Lapons n'étaient que des terres annulus, des terres sans maître, et qu'ils n'avaient pas aucun droit dans la mesure où ils ne se stabilisaient pas sur cet élément. Et la Cour suprême va dire que le droit des peuples Sam de poursuivre les activités d'élevage, et je cite, sur les terres traditionnelles, c'est un élément important, fait naître un droit d'usufruit, alors ce qui pose naturellement le problème de ce qu'on appelle traditionnel, avec un simple droit d'usage. Donc ce n'est pas un droit de propriété qui est reconnu comme tel. Et en plus, on ne parle pas du droit d'usage sur une terre donnée, on ne parle qu'un droit d'usage, quel que soit le lieu, du moment que l'on pratique cette seule activité. Mais la Cour précise, en deuxième lieu, qu'il est probable que le peuple Sam avait des droits de propriété sur d'autres parties traditionnelles, mais se pose un problème de preuve, ils ne peuvent pas l'établir. Pas de littérature orale, enfin d'expression orale, pas de littérature écrite, pas de document, donc on ne peut pas l'établir. La CEDH vient s'en mêler dans ce cadre-là, dans une affaire de 1983 GEE contre Norvège, qui démontre la nécessité pour les requérants d'affirmer la preuve des droits qu'ils détiennent sur leur terre, sur leur bien, pour pouvoir se prévaloir du protocole additionnel numéro 1 sur la propriété. Et en l'occurrence, de Sam prétendait ici que la construction d'un barrage hydroélectrique remettait en cause leur droit de propriété sur un terrain donné, sur les terres traditionnelles, mais les requérants ne pouvaient pas établir la preuve d'un lien juridique entre eux et l'usage qu'ils avaient du sol. La commission qui est saisie en l'occurrence est rétive à l'idée même de l'usage traditionnel de ce point du lac et que cet usage traditionnel puisse fonder une revendication de biens au sens de la Convention. Et en plus, elle se montre très dubitative, cette commission, sur l'essence d'un droit de propriété, je cite, « au sens traditionnel du terme, sur le site visé, alors même qu'elle est prête à admettre que ce barrage peut avoir des effets sur leurs droits ». Et dans une autre affaire, la Cour considéra que les droits qu'ils peuvent avoir sur un élément, même sans être propriétaire, méritent la protection au titre des biens. Jusqu'ici, vous me suivez à peu près. Sauf que va intervenir le Nordmaling Case de 2011, l'arrêt de la Cour suprême de Suède que je vais citer, mais dont je ne vais pas parler tout de suite. Quelle est la question fondamentale et qui va montrer que le climat est déterminant dans cet aspect? C'est de savoir quels sont les effets de la reconnaissance pour fonder en droit le titre d'occupation entre l'utilisation, l'usage immémoriel, ça c'est la position norvégienne, et la prescription immémorielle, donc ça concerne la Suède et ça concerne la propriété, qui ferait que les SAM n'ont pas les mêmes droits de part et d'autre de la frontière norvégienne et suédoise. En Norvège, les droits sont établis par l'usage immémorial. Donc usage immémorial, on ne se pose pas la question de la propriété, il faut trois critères. Une certaine utilisation sur une longue période qui est produite de bonne foi. Et comme la prescription immémorielle n'est pas codifiée dans la législation, eh bien, ça fait partie d'une loi non écrite et donc laissée finalement à la libre appréciation des juridictions, ce qui est beaucoup plus souple qu'un texte écrit. Alors, simplement, vous avez toute une série de jurisprudence qui va influencer historiquement la position qu'a arrêtée la Cour suprême de Norvège de ce point de vue-là. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est-à-dire d'usage immémoriel, c'est que pour qu'il y ait usage immémoriel, il n'est pas exigé que l'on ait une utilisation visible de la terre. On n'a pas besoin d'avoir de culture, on n'a pas besoin d'avoir des structures bâties comme on l'aurait pour la prescription immémorielle, c'est-à-dire la propriété. Ce qui veut donc dire que le simple fait de passer et d'utiliser sans laisser de traces matérielles des superstructures peut suffire à fonder un droit. Et si l'on s'en tient aux critères fondés sur le climat, si la propriété est revendiquée, on sait qu'il faut qu'il y ait une utilisation omniprésente, continue. Ça va être difficile, Monsieur le Président. J'aurais dû commencer en suédois, le traduire au fur et à mesure, mais je n'ai pas osé. Ben, je vais faire en norvégien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais résumer, lorsqu'on est dans un cadre d'utilisation immémorielle, on n'a pas besoin d'une continuité d'usage. Lorsqu'on est dans une prescription immémorielle, on a besoin d'une continuité d'usage. Ce qui veut dire que dans un cas, lorsqu'une population utilise régulièrement, de façon continue, mais même avec des interruptions dans le temps, le terrain en termes d'usage, il a un droit d'usage de ce terrain, mais s'il est exigé, comme en Suède, qu'on ait une présence continue alors que c'est un nomade qui circule, il n'a pas de droit sur le terrain. Voilà la situation. Et la Cour suprême de Suède, en 2011, dans son arrêt, dans une affaire Nordmaling Case, qui est extrêmement préoccupante par rapport à ça. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est dans l'usage immémoriel, si on admet des interruptions, on admet qu'un changement climatique ne remet pas en cause le droit, parce qu'on peut passer ailleurs. Alors que si on est dans une prescription immémorielle, l'interruption de la prescription fait disparaître le droit. Donc il n'y a plus de possibilité, ni d'usage, ni de passage. Sauf, nous dira la Cour suprême, la coutume, donc elle rajoute un élément. Or, ce qui est intéressant, c'est que se fondant sur l'aspect à la fois coutumier et se fondant sur l'aspect d'utilisation immémorielle, la Cour va faire une distinction entre les pâturages d'hiver qui relèvent d'un usage immémoriel et les pâturages d'été qui relèvent, eux, d'une coutume. D'accord ? Ce qui veut donc dire que lorsqu'on va avoir des changements climatiques, ça va influencer fondamentalement les droits qu'ils vont avoir sur l'un ou l'autre des pâturages. Et on en est là actuellement. Ce qui veut donc dire que on ne va peut-être plus pouvoir se fonder, il y a plein de commentateurs qui s'en inquiètent, on ne va peut-être plus pouvoir se fonder sur cette notion d'usage immémoriel pour garantir un droit. Et encore, il est moins garanti, parce que l'usage immémoriel ne nous dit pas, et quand on lit les arrêts, il nous dit le territoire utilisé. Mais si ce n'est pas celui qu'ils utilisaient vers lequel ils vont aller du fait d'un changement climatique, ils n'ont pas de droit à cet endroit-là. Ce qui veut donc dire qu'il va falloir trouver un autre ressort juridique pour asseoir leurs droits, c'est-à-dire passer sur des conventions particulières, notamment sur la déclaration des droits des peuples autochtones ou la déclaration de l'OIT sur la question qui reconnaît, qui fonde une obligation à condition que la Suède notamment ait ratifié cet accord de l'OIT sur les peuples autochtones, ce qu'elle n'a pas fait, et ce qui permettrait de garantir des droits culturels, notamment des droits de passage. Et on en est là actuellement de ce point de vue-là. Alors sans transition, puisque mon président me presse, si on parlait de déstructuration, c'est qu'il y avait structuration. Mais je vais vous évoquer un cas un peu nouveau de structuration effective parce qu'il n'y avait rien. Il n'y avait rien pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas, c'est-à-dire l'hypothèse des passages dans l'Arctique et l'Antarctique. Dans ce cadre-là, je vais aller extrêmement vite, Monsieur le Président. Dans ce cadre-là, vous savez qu'on n'a pas tout à fait les mêmes rapports de droit dans l'Arctique, c'est-à-dire dans le Nord et dans l'Antarctique, c'est-à-dire dans le Sud, du fait que l'un est considéré comme patrimoine mondial de l'humanité et l'autre est considéré comme il est en souveraineté sous huit États dans ce cadre-là. Et donc, vous avez des conflits permanents et vous savez qu'il y a eu, du fait des réchauffements, vous avez à peu près un quart ou un tiers des réserves mondiales de pétrole estimées qui se trouveraient en Antarctique, par exemple. Ce qui fait que ça nourrit quand même beaucoup de... d'ambition de ce point de vue-là, jusqu'aux Russes qui vont aller déposer une petite plaque de platine au fond de la mer pour démontrer qu'ils ont la capacité d'aller au fond, etc. L'important, c'est quoi ? L'important, c'est qu'on est dans un milieu fermé qui a des réseaux trophiques, donc alimentaires, extrêmement courts, qui sont fortement dépendants de la température, et qu'à partir du moment où vous avez la moindre pollution, là où sur un territoire continental normal, il faudrait une vingtaine d'années pour que la nature par elle-même revienne aux conditions normales, il faut à peu près entre 100 et 150 ans en Arctique, ce qui fait que ça n'est pas envisageable. Et comme on prévoit qu'il y ait des passages de navires avec forte charge de pollution potentielle, par rejet de déchets, par fortune de mer, eh bien, l'OMI, l'Organisation Maritime Internationale, a établi ce qu'on appelle le code polaire, va prendre en compte les préoccupations environnementales, alors en se fondant principalement sur la convention, notamment de Montego Bay, et qui va de ce point de vue-là prévoir un certain nombre de dispositions, classification des navires, alors en essayant de faire une fusion des 7 classifications qui existent au niveau international, et finalement va donner une coloration effective internationale à un mode de classification en particulier, selon l'épaisseur de la coque du navire en fonction de l'épaisseur de la glace, et surtout vont préciser que en se fondant sur la convention de Montego Bay, l'article 234, sur les zones recouvertes de glace, que les États côtiers doivent prévenir, réduire, maîtriser la pollution du milieu marin par les navires, notamment lorsque les conditions climatiques particulièrement rigoureuses et fait que les zones sont recouvertes de glace pendant la majeure partie de l'année, font obstacle à la navigation, rendent particulièrement dangereuse, le texte dit exceptionnellement dangereuse et qui pourrait le perturber de façon irréversible. Et donc sur ce fondement-là, eh bien, les mesures qui vont être adoptées, et je reprends les considérants principaux du Code polaire, les mesures principales qui vont être adoptées, c'est de protéger et préserver des écosystèmes rares et délicats, ainsi que l'habitat des espèces et autres organismes marins en régression, menacés ou en voie d'extinction. Et donc l'OMI, dans le cas... La question environnementale est mineure, finalement, dans le cadre du code polaire, quoi qu'on puisse en penser. Mais pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Tout simplement parce qu'on craint l'accident, ne serait-ce parce qu'il faut des navires adaptés, mais surtout c'est qu'on a une très faible connaissance des parties marines, puisqu'il n'y a pas de cartographie où elle est incomplète. Les profondeurs sont limitées, il y a une imprévisibilité de l'état de la banquise et de la météo, il y a des icebergs dérivants, il y a une faiblesse des infrastructures qui permettraient de sauvegarder à la fois les marins et le corps du navire, et donc de ce fait on est obligé d'avoir une approche beaucoup plus préventive. Alors ce qui est intéressant, et j'en termine par là, Monsieur le Président, si vous m'autorisez, ce qui est intéressant dans ce cadre-là, c'est que le code est composé de deux parties, des parties qui sont obligatoires pour les États qui y adhèrent et des parties qui ne sont que de simples recommandations. La seule façon qu'il y aurait finalement de garantir l'applicabilité du code, c'est que les États le fassent. L'État français l'a fait en 2015. En 2015, j'ai retrouvé notamment un arrêté du préfet des TAF, Terre australe et Antarctique française, qui va encadrer la sécurité des activités maritimes et qui commence par dire, considérant le code maritime, le code polaire en cours d'adoption. Mais surtout, vous avez un certain nombre de dispositions, en tout cas en France, dans le code de l'environnement, et qui ont donné lieu à un rare jugement de ce point de vue-là, qui a condamné... qui a condamné le capitaine d'un navire, puisque désormais pour fréquenter ces espaces il faut une autorisation préalable, et la juridiction qui a statué disait principalement que dans la mesure où il n'ignorait pas la fragilité des lieux dans lesquels il naviguait depuis de nombreuses années, il devait être particulièrement sensible au respect de l'environnement et de la législation protectrice, et donc il importe de prononcer l'amende, une peine dissuasive dans ce cadre-là pour le rappel de la législation. Et donc, si vous voulez, finalement, là où on a une totale déstructuration du droit, et franchement, pour le moment, on ne sait pas trop où on en est du côté des Rennes dans les quatre territoires que j'ai cités, ici, on a la tentation ou la tentative de structurer un droit. La part environnementale reste relativement mineure, mais lorsqu'on voit que la part technique domine et que c'est souvent la part technique qui va avoir les incidences environnementales, on peut finalement que s'en réjouir. J'en termine là, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'en veux de porter atteinte à vos droits, mais j'essaye aussi de respecter ou de faire respecter les droits des étudiants. Mais merci d'avoir après respecté le temps et de nous avoir finalement présenté deux cas, pas trois. Je regrette le dernier, je vous l'avais dit. Extrêmement passionnant et qui illustre cette question de la création de nouveaux espaces, de changement de l'utilisation des espaces et de la nécessité de trouver des solutions pour s'adapter. Sans transition, donc, je passe la parole à Mnet Djebré pour nous parler de. C'est pas vous qui passez maintenant, si. Voilà, pour parler de la question des réfugiés et des réfugiés et des déplacements climatiques. Pendant 20 minutes, c'est bien ça. Le micro ? Bah, disons, 20 minutes maximum, c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est bon, ça marche, il faut parler près. Ah. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs pour l'invitation et justement l'accueil qu'ils nous ont réservé. Donc j'interviens sur la réflexion sur les maires